Parce que c'est vrai, on focalise toujours sur la violence des dominés, des salariés, jamais sur celle des dominants. Parce que la violence des dominants, et je vais vous donner un exemple. Manuel Cervera Marzal, auteur d'une thèse en sciences politiques sur la désobéissance civile. Elle est beaucoup plus feutrée, elle est beaucoup plus pernicieuse, elle est beaucoup moins visible. Quelques mois plus tôt, le PDG de Air France, Alexandre de Juniac, tient une conférence comme ça devant d'autres patrons français dans le cadre d'une ABI. On est là entre gens en costume cravate, extrêmement polissés. Il dissère comme doctement sur l'idée de rétablir le travail des enfants. Et il va plus loin, quelques minutes plus tard dans sa conférence qui a été filmée et diffusée par Mediapart, mais qui n'a pas connu du tout le succès médiatique de cette chemise arrachée, on le voit en train de raconter une discussion qu'il a eue avec son homologue, donc c'est le PDG d'Air France qui raconte une discussion avec son homologue PDG du Qatar, et qui dit, nous au Qatar, vous savez, les grévistes, on les envoie directement en prison, et il blague là-dessus sur le travail des enfants, les grévistes qu'on envoie en prison. Cette violence-là, pour ces gens qui se suicident, dont vous parlez, la violence dont vous parlez, elle serait recevable si Juniac décidait de s'inspirer des méthodes du Qatar pour les appliquer à la direction des ressources humaines. La violence du mépris qu'on voit aujourd'hui tous les jours dans la parole d'un certain monarque présidentiel, c'est une violence aussi. J'entends bien, mais alors, la chemise, j'en reviens à la chemise. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors la chemise, je me permets de faire mon historienne. Mais une chemise arrachée d'un DRH, ça paraît bien dérisoire au regard des luttes. J'ai bien compris. Et l'historienne et politologue Vanessa Codaccioni, qui a publié en 2018 La légitime défense, homicide sécuritaire, crime raciste et violence policière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une focalisation sur cette chemise qui paraît totalement dingue. La focalisation vient du fait qu'il y a un brouillage sur le sens à donner à ce geste. J'arrive pas à savoir si vous considérez que ce geste doit être pénalement répréhensible ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas savoir si pénalement c'est bon c'est ou mal. La seule question, c'est ce que non, la question elle est politique et ce dont on parle là, on a une discussion ici qui est pas une discussion juridique, on a une discussion qui est politique et la question politique c'est de savoir si la violence favorise ou décrédibilise le mouvement. Et en l'occurrence, la violence ici, elle décrédibilise le mouvement puisqu'on ne parle plus des 2900 emplois supprimés. La violence dans le cadre des Gilets jaunes, elle fait qu'on ne parle plus des problèmes de justice sociale, climatique qui ont été posés sur la table par les Gilets jaunes, mais on parle des moyens qui ont été mis en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État, et ça c'est attesté par des vidéos, je vous les enverrai si vous voulez, dans lesquelles on voit des agents provocateurs des forces de l'ordre enlever leur uniforme, s'habiller en casseur et aller casser des vitrines parce que le pouvoir sait très bien que ce genre d'image va desservir les contestataires. En mode paillote, vous pensez que de la même manière que le pouvoir a fait incendier une paillote il y a 20 ans, il a déguisé des policiers en Gilets jaunes en leur demandant de casser. Vous avez des preuves de Exactement, ça je pourrais vous les fournir et vous pourrez les retrouver rapidement dans la presse en les cherchant sur Internet. Et quand ce ne sont pas des actes, ce sont des mots. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est la délégitimation de luttants ou de revendications ou de causes par les mots. Être des casseurs, être une fouleneuse, être des terroristes, être des fous. Les mots sont très importants et aujourd'hui, on voit très bien que le pouvoir politique se sert des mots pour stigmatiser, délégitimer des luttes et empêcher que les gens se solidarisent et aient de la sympathie pour des mouvements en lutte, justement. Mais au départ, les mots violents étaient ceux des Gilets jaunes, et à bon droit d'ailleurs, et le mouvement recevait la sympathie de la majorité de la population. Il l'a gardé par ailleurs. Il en a gardé une partie, pas toute. Mais il en a gardé une partie. Cette sympathie venait du sentiment général, et là je crois qu'on sera tous d'accord, qu'au fond il y avait là une colère qu'on pouvait difficilement contester. La contestation n'était pas contestable. L'idée même de contestation n'était pas contestable. Mais enfin, les Gilets jaunes ont quand même perdu un peu de cette sympathie. Peut-être ont-ils une part de responsabilité là-dedans. Le fait de ne pas se donner de représentants, le fait d'avoir des doléances variables, le fait aussi de commettre aussi des prédations, enfin tout cela est... Je veux dire, le principe de responsabilité ne peut pas être unilatéralement celui de l'État, en l'occurrence, non? Non, mais par contre, vous avez commencé en disant les premiers mots violents ont été prononcés par les Gilets jaunes. Excusez-moi, qui a parlé des gens qui ne sont rien? Qui a parlé des illettrés? Qui a parlé des fainéants? Qui a parlé des gaulois réfractaires? Ah oui, mais on peut remonter très loin. On remonte... Ah bah non, moi je remonte là. Mais ce qui est intéressant, pardon, c'est que... qu'il y ait une violence et un mépris là-dedans. Mépris de classe. Mépris de classe. Et qu'on l'interprète de cette façon-là, il n'y a rien à dire à ça. Non, c'est quel est le pouvoir, quel est le blanc-seing donné à celui qui est méprisé par le mépris lui-même. Jusqu'où celui qui est méprisé peut-il aller trop loin dans la réponse au sentiment d'être méprisé? Non, et c'est pour ça qu'à la violence de l'État, il convient de répondre autant que faire se peut, et ce n'est pas toujours possible, mais il convient de répondre de manière non-violente. Et c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes dans 99% des cas. Tout à fait. Pacifiquement, ils ont occupé des ronds-points, pacifiquement, ils ont occupé des centres commerciaux, pacifiquement, ils ont manifesté. Donc arrêtons de nous focaliser sur ces 1%. Les gilets jaunes sont en très grande majorité pacifistes. Les non-violents qui répondent à la violence de l'État. Peut-on encore vivre sans Internet ? Peut-on encore vivre sans Internet ? Fameuse question, non ? C'est vrai, quoi. C'est dingue. Les millions d'oubliés du tout numérique, une enquête de Julien Brigaud dans le Monde Diplo du mois d'août 2019. Ça dit ceci, sera-t-on bientôt contraint de faire scanner son téléphone portable ou d'utiliser Internet pour prendre le métro, le train, l'avion, faire ses courses ou payer ses impôts? Pas de problème, nous expliquons, c'est plus commode et tout le monde s'habitue. Or, justement, beaucoup de gens ne s'y font pas. Pour un petit passage dans l'article que j'aime vraiment bien, qui est complètement absurde, ça dit ceci, monsieur David Lecomte, 49 ans, électricien à l'homme près de Lille, qui est intermittent du spectacle, hein. Il dit « Le jour où Internet sera un vrai service public, gratuit et accessible à tous, je veux bien m'y mettre. » En attendant, il fait tout à l'ancienne, achetant ses billets de train au guichet et se rendant directement dans les administrations pour sa démarche, ce qui l'amène à vivre un certain nombre de situations complètement absurdes. « J'ai eu un accident du travail récemment. Pôle emploi m'a demandé le relevé des indemnités versées par la Sécurité sociale. » Comme on est en ville, ben, je me suis rendu directement à la sécu, ce n'est quand même pas difficile. Je leur ai demandé le papier, pas de souci, m'a dit la dame derrière le guichet, donnez-moi votre mail. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Sidéré, l'agente l'informe qu'elle n'a pas le droit d'imprimer le formulaire ni de l'envoyer directement à Pôle emploi. Elle en a référé à sa supérieure qui a bien voulu se créer une fausse adresse électronique pour se le faire envoyer, l'imprimer et me le donner. Il a fallu 2 heures de négociation sur place. Mais bon, il y a encore de l'humain. Allez, on démarre. Le temps a changé, là, hein, sérieux. Ouais. Super. Je dois dire quelque chose, je suppose. Oui, le temps a changé. C'est un temps de rentrée des classes. Ah, l'horreur, ça. Donc voilà, moi, j'ai en face de moi une dame qui s'appelle Anne. Anne, on donne ton nom de famille ou tu préfères pas? Là, on va rester à Anne. D'accord. Donc, Anne, moi, j'ai fait ta rencontre dans un endroit. On dit cet endroit ou on s'en fout? Oui, réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui invitait des économistes. Voilà. Et moi, j'assistais à cette rencontre. Voilà, et tu assistais à cette rencontre, et après, la discussion était brève quand même, mais ça m'intéressait, c'était un peu dingue comme discours, on a peu l'habitude de l'entendre, pourtant il existe. Tu disais non à Internet, toi tu n'as pas Internet chez toi. Alors, si j'ai bien compris, et ça va être ça aussi le sujet de notre rencontre, si j'ai bien compris, ce non à Internet, c'est pas genre que t'as pas la thune pour le prendre. C'est vraiment un choix, quoi. Voilà. On démarre comme ça. Moi, du coup, j'avais envie de te rencontrer. Et t'es super parce que t'as dit OK. Parce que tu pourrais très bien m'envoyer péter. C'est normal en même temps. Donc, génial. Une personne qui est prête un peu à parler de ça, quoi. Ce nom à Internet, vraiment un choix de... Pas de modem chez toi, ici, à la maison, quoi. Non, absolument pas. Voilà, je subis juste ce qui est installé dans la maison puisque je suis locataire. Donc les autres ont ça. Mais moi, non, j'ai choisi de ne pas avoir Internet. Alors j'explique pourquoi tout de suite. Là. Ben, en gros, pour moi, Internet, c'est le dernier avatar du gadget capitaliste pour nous faire consommer. Voilà, en gros, ce que je dirais. C'est lié, bien sûr, à toute cette technologie que je trouve, moi, tout à fait néfaste à divers niveaux, que ce soit le téléphone portable, qui, de toute façon, permet de capter Internet et qui, maintenant, n'est plus un téléphone, mais est un ordinateur. L'ordinateur et toutes ces choses qui sont censées nous faciliter la vie, mais qui, en fait, pour moi, nous captent énormément de temps. Et tout le temps qu'on met à en apprendre les diverses nouvelles fonctions, etc., nous décharge de choses beaucoup plus essentielles, et notamment de la rencontre. Voilà. Donc moi, je trouve que ça fait partie d'une grosse manipulation. Et comme le système capitaliste est très fort, il a plein de publicité à son, de moyens publicitaire notamment à son service, il sévit même sur la radio publique, etc. Donc on est ringard, on est sur le côté si on n'a pas cet outil de la technoscience. Et moi, je rame beaucoup contre ça. Alors je connais quelques personnes qui sont comme moi, mais on ne fait pas vraiment groupe. Et ce qui m'intéresserait, c'est rencontrer d'autres gens pour réfléchir ensemble, et que ce ne soit pas juste une attitude individuelle qui regardait un petit peu je suis l'excentrique, quoi. Ben non, il y a une réflexion derrière. Au départ, c'était, je le sentais pas, ce truc. Donc c'était intuitif. Et attends, puis là je perds. Tu ne sentais pas quoi quand il... Eh ben l'invasion de toute cette technologie, voilà, qui a commencé à être imposée dans les milieux du boulot, etc., que ce soit dans la bibliothèque, j'ai travaillé dans les bibliothèques, même dans le milieu de l'alphabétisation, ce qui est assez fou. C'était quoi, par exemple, concrètement, ça voulait dire quoi, qu'il y avait des ordinateurs qui rentraient dans ces bibliothèques? C'était quoi exactement le changement que tu as vu? Oui, dans les bibliothèques, on, évidemment, sous prétexte, mais ce n'est pas qu'un prétexte, de facilité, on a commencé à introduire des ordinateurs. D'abord pour mettre les livres en catalogue, qu'il y ait plus de petites fiches, etc. Alors le gros prétexte, c'est la dématérialisation, ce qui est, c'est faux. Il n'y a rien de plus matériel qu'un gros ordinateur qui en plus produit plein de chaleur, etc. Donc il y a aussi le prétexte de la rapidité. Moi je suis pas persuadée que la rapidité soit vraiment toujours un progrès. C'est au détriment de la réflexion, de la mise à distance, de la rencontre. Et on nous assomme de nouveautés avec Internet. Bon, je reviens à la bibliothèque. Donc dans les bibliothèques, il y a maintenant un accès à Internet. Et l'accès à Internet, c'est présenté comme l'accès à l'infini. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cet infini? Eh bien, qu'on ne sait pas quoi en faire, qu'on s'y perd dans l'infini. Alors, évidemment, j'ai été regardée aussi. Je ne suis pas restée frileusement dans mon terrier. De lien en lien, on peut passer des heures. Et toutes ces heures qu'on passe devant un écran, on ne les passe pas ailleurs. On ne les passe pas avec des gens, on ne les passe pas à discuter, on ne passe pas à réfléchir. Parce que tout ce qu'on trouve en plus sur le net, c'est quand même classé. J'ai entendu dire que Internet avait été inventé au départ par des scientifiques du CERN, me semble-t-il. Enfin, des gens qui travaillaient sur l'atome et qui voulaient communiquer entre eux dans des universités. C'est un outil qui leur permettait de ne pas se déplacer. Maintenant, il est imposé à tout le monde. Un truc sans fin. En plus, ce qui me gêne, qui remet une couche, c'est le fait que tout ce qui est promotionné, utilisé grâce à cette technologie, en fait, est rentabilisé. Donc, il y a plein de choses qui se faisaient gratuitement avant Et toutes ces idées ont été récupérées pour en faire du fric. Voilà, c'est Google qui est le moteur de recherche le plus... presque le seul. Donc, il dessine dans quel ordre apparaissent les informations qu'on cherche, etc. Alors que si on prend une encyclopédie, c'est nous qui dessinons. On peut faire des allers-retours, etc. Et là, c'est pas vrai. Et je sais que la majorité des gens se contentent dans une recherche de la première page. Voilà. Alors, ça a permis de développer aussi plein de pseudo-résistance, je dirais. On entend tout le temps, moi j'écoute beaucoup la radio, on entend tout le temps des dénonciations, des excès, mais on ne met jamais la technologie en cause. C'est les excès pour les enfants, etc., etc. Les excès pour les enfants, tu veux dire quoi exactement? Je ne comprends pas bien. Oui, eh bien voilà, on estime que les enfants sont des personnes vulnérables, donc les pauvres, ils ont bien droit à une éducation particulière aux médias, qui prend plein de place à l'école. Donc, ce n'est plus le contenu, c'est la machinerie, je dirais, qui prend le dessus sur le contenu. Et ça, je trouve que c'est très dérangeant. Tu veux dire quand Internet est arrivé dans l'école et que les ordinateurs sont arrivés dans l'école et que c'est, pour finir, de l'éducation à cet outil-là. Et c'est aussi une machine à fric. Hein. T'imagines si on dit, bon, la jeunesse doit s'adapter au monde moderne. Microsoft, il s'en met plein les poches à ce moment-là. Hein. Sous couvert de bonne éducation. On se comprend bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Complètement. Et même Microsoft, justement, a des fondations. Et dans les écoles... dans des lieux où il n'y a pas beaucoup d'argent, eh bien, Microsoft envoie les machines, les formations, etc. Donc, c'est vraiment... c'est du totalitarisme. Voilà, je trouve ça assez abominable. Et je suis vraiment étonnée que la majorité de la population, parents, enseignants, etc., essaye de séduire les jeunes, les élèves, etc., grâce à ces gadgets technologiques. Donc, ils s'adaptent à la technologie et ils ont l'impression d'être dans le coup. Dans le coup de quoi, je ne sais pas. Bon, maintenant, il y a des choses un peu qui sont, disons, positives pour moi, à savoir que j'ai entendu une historienne qui disait que... Enfin, qui fait des études historiques et anthropologiques. J'ai oublié son nom. C'était sur France Inter, il y a une quinzaine de jours. Voilà. Non, pas France Inter, France Culture. Et elle rencontrait... mince, j'ai oublié son nom. Un type qui a travaillé pour et avec François Mitterrand et qui continue à sévir, qui écrit plein de bouquins. Il a l'étiquette de gauche, mais il ne l'est pas du tout. Bon, son nom va me revenir. Bref, il organisait une rencontre sur quelle sera la vie des jeunes dans 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, la vie ou la vie? La vie. Okay. La vie. Donc, il a invité une chercheuse au CNRS qui disait que pour elle, on atteignait un point culminant et que la technologie n'allait plus... il n'y aurait plus une recherche du grand public de la nouveauté technologique, qui aurait plutôt une lassitude et qu'on allait commencer à délaisser les choses. Donc, ouf, je ne serais pas la seule. Ça me réconforte quand même. À délaisser tous les outils technologiques, ouais. Alors c'est ça. Genre on se lasse. Oui, voilà, au lieu de que ce soit la course, ah, je veux le dernier machin qui fait le plus de trucs possible, ah, je veux absolument la 5G, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quelles sont les conséquences sur ma santé, sur le bien commun, etc. Mais je le veux parce que mon copain l'a, parce que voilà, c'est comme ça, à l'arrêt du bus, il y a des publicités qui vendent ça. Voilà, donc c'est absolument dans tous les milieux, ça nous opprime, je trouve. Et oui, ça nous fait passer trop de temps à la fois devant les écrans. Mais toi, tu l'es pas. Toi, tu l'es pas, de toute façon. Quoi, tu as été, toi, happé par ces écrans pour parler comme ça ou tu vois les autres ou... Non, j'ai pas été vraiment happée. J'ai quand même essayé. Hein. J'ai été voir ce que c'était. Et j'ai pu. Je me suis rendu compte que pour une recherche, on se disperse en général et qu'on passe un temps énorme. Alors, ça a quelque chose d'amusant, mais c'est finalement du remplissage de temps. C'est, voilà, on ne voit pas où on voulait aller. Alors, ça pourrait. Si c'était, s'il n'y avait pas toute cette. Idéologie derrière ce consumérisme, etc., ça pourrait être amusant de se perdre dans le savoir. Mais c'est pas ça, puisqu'il y a des firmes qui en tirent beaucoup d'argent, etc. Oui, j'ai pu tester que ça ne me convenait pas du tout, et lire aussi des choses sur les méfaits de ce genre de technologie. Bon, ben voilà, il faut lire. Enfin, il faut lire. Non, je sais pas, j'aime pas ce genre de prescription. Mais il y a des articles là-dessus dans Le Journal de la Décroissance, dans Kairos, dans Silence, etc. Et il y a des groupes qui se réunissent autour de ça, pas seulement d'Internet, mais du puçage des animaux qui peut devenir notre puçage, etc. De cette emprise de la technologie sur nos vies, voilà, de ce qu'on appelle dans le milieu de la décroissance la technoscience. Mais dans le monde diplomatique du mois d'août, là, il y avait un article « Peut-on vivre sans Internet ?» Voilà, bon, il y a quand même une réflexion là-dessus, quoi, sur par choix, hein, comme toi, c'est plus un choix. Ou alors des gens qui sont complètement largués, quoi, qui sont là avec leur paperasse, ils ont toujours fait en vis-à-vis. Il y a même un témoignage d'une personne qui parle des yeux, du regard, de la relation. Et il dit, on perd complètement le contact, on va bientôt plus savoir comment on doit être les uns avec les autres. Voilà, ça c'est l'extrême évidemment. Mais j'avais aussi une question pour toi, Anne. Toi qui as travaillé dans une bibliothèque, parce qu'on n'arrête pas de dire, oui, mais tout est remis virtuellement dans la machine, c'est plus facile pour faire des recherches et tout. Mais moi, j'ai entendu dire que ce n'est pas vrai, tout n'était pas retranscrit dans cet ordinateur virtuellement. Donc, il y a des livres qu'on ne trouve pas, quoi, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, ou bien ça ne te parle pas, ou... Je veux dire par là que... Tu dis, non ? Pas particulièrement sur les bibliothèques. Je ne suis pas la spécialiste non plus des bibliothèques. Voilà, non. Je ne vais pas m'engager sur ce terrain qui n'est pas le mien. Oui, c'est genre, on peut retrouver tout, mais j'ai entendu dire, non, ce n'est pas vrai non plus, quoi. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais ça corrobore ce que je pense. Je pense que cette idée d'infini, ça donne le vertige, et je crois que tout, ça n'existe pas pour moi, voilà, tout c'est trop, non je pense qu'il y a, oui voilà, donc ça recoupe ce que je pense de cet infini, de cet accès dont on ne sait quoi faire finalement, et oui voilà, on vit dans un univers fini. Et pas dans un, enfin, dans, sur une terre finie, en tout cas. Et oui, il y a des tas de gens. Je reviens à ta question. Tu me demandais si je m'estimais victime ou si j'avais été happée par les écrans ou si je le vois. Non, c'est plutôt je le vois. Voilà. Hein, comme tout le monde, je vois comment sont les gens qui ne savent pas s'en passer. Et moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est justement... Et comment tu le vois, ça, toi, justement, qui n'est pas dedans? Comment tu le vois? C'est bête, hein, parce que après, je pourrais donner... Ça paraît évident, mais comment tu le vois, toi? Ah, mais moi, ça me désole complètement, parce que pour moi, c'est une sorte de déshumanisation. Moi, je prends beaucoup les transports en commun, et les gens ne supportent pas une minute d'attente, d'échanger un regard. Ils fuient sur leur téléphone portable, où ils font... Alors, parfois, je vois... ce que fait mon voisin, jouer au casino, n'importe quoi. On n'existe que si on a plein d'appels. Donc, il n'y a plus d'espace pour la rêverie, pour la contemplation. Un petit peu. Sans doute, oui. Et, de temps en temps, je vois des gens qui lisent ou qui regardent par la fenêtre. Heureusement. Voilà, mais c'est minoritaire. Alors peut-être qu'en effet, il y a un réveil. Mais moi, pour reparler des personnes vulnérables, on pense aux enfants qui n'ont pas le recul, etc., qui veulent une satisfaction immédiate, et l'écran donne ça. Donc ça donne une impatience. J'ai entendu une étude sur les seniors. J'aime pas trop ce mot-là, mais enfin sur les vieux, quoi. Mmh. Les vieux qui n'ont plus de boulot et qui aussi peuvent développer une impatience qu'on a retombée en enfance, si on veut. Apparemment, ce sont des gens très happés par les écrans et par Internet. Donc voilà, moi, pour moi, c'est dommageable. Il y a même des gens avec qui je ne suis plus bien parce que notre conversation, notre rencontre est tout le temps interrompue par autre chose. Donc, quoi, par exemple ? Le téléphone ? Oui, le téléphone, un appel. Rechercher tout de suite la réponse d'un truc. Alors qu'on s'en fout, la conversation peut continuer ou la rencontre peut continuer sans qu'on ait le nom de je ne sais pas quoi qu'on cherche. Et comme moi, le nom tout à l'heure. Voilà, j'irai. Tant pis, il m'échappe, il reviendra à un autre moment. Oui, donc pour moi, c'est une perte, c'est dommage. Et quoi, tu te sens comment du coup alors, comme un extraterrestre ? Comment t'arrives à tenir le cap dans tout ça enfin, tu vois, c'est, parce que du coup, tu te retrouves pas mal... seul, mais moi je dis, il y a plein de gens qui pensent comme toi. Hein. Oui, ben voilà, donc j'aimerais rencontrer d'autres seuls. Mais bon, première phase, quand j'ai commencé à douter, je me suis fait vraiment pratiquement insulter par mes amis. Quand tu as quoi ? Quand j'ai commencé à résister, à douter de l'efficacité et de l'utilité réelle de ces machines. Ouais, parce que tu critiquais genre un repas et des choses comme ça en discutant gentiment, quoi. Oui, moi j'émettais des doutes simplement. Je me disais, mais où est-ce que ça nous mène ? Est-ce que c'est vraiment utile ? À quoi ça sert ? Donc la réponse était, oh mais tu veux revenir à la bougie, tu es contre le progrès, et tu as un enfant, donc tu devras bien suivre. Tu ne peux pas élever ton enfant hors de là, ou sinon tu la mets hors du monde. Enfin, j'étais vraiment l'espèce de, de dinosaure inadapté. Je me demandais même si on n'allait pas me faire disparaître. Tu rigoles. Oui, je rigole. Et puis, donc voilà, ça c'était la première phase. Il y a eu un grand engouement. Alors, il y a plein de gens qui sont revenus de cet engouement, qui ont passé des heures à chercher des amis, des pseudo-amis qu'ils avaient perdu de vue ou je ne sais quoi. Je vois qu'il y a un essoufflement. Et même des gens qui... pour leur boulot artistique, avaient des comptes sur Twitter, machin, truc bazar, qui les ont... Alors, je sais que je mélange un peu toutes les technologies, hein, mais pour moi, c'est du même acabit. Donc, voilà, je ne mets pas Internet dans une petite boîte à part, même si c'est l'accès à la connaissance. Mais, donc, voilà, il y a des gens... Je ne suis plus la seule, maintenant, je ne sais pas, 15 ans après, à me poser des questions. Il y a des gens qui ont éprouvé... qui ont eu besoin d'éprouver très loin leur dépendance. J'ai une amie qui est performeuse et elle se réveillait tous les jours en se demandant ce qu'elle allait poster sur un machin quelconque. Sur un réseau social, par exemple. Oui, voilà, un réseau social. J'ai du mal à l'appeler réseau social. Voilà, parce que pour moi, ça fait réseau, mais c'est... ça fait tellement pas société, mais bon, voilà. Et à un moment, elle s'est dit que ça n'allait pas. Bon, elle vit avec quelqu'un, et en se réveillant, n'avait pas envie de rencontrer la personne avec laquelle elle vivait. Elle pensait au truc qu'elle allait lancer. Donc, elle a fait toute une réflexion, et voilà, elle n'est pas la seule, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, elle a commencé à supprimer, en tout cas, ses posts sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même, toute une série de personnes qui ont éprouvé la chose très loin. Mais je tiens à préciser pour les gens, parce que c'est vrai qu'on ne se retrouve pas en ville, en fait. Hein. On est dans un bled ici, parce que dans des villes, il y a des rassemblements, par exemple, de gens. C'est plus facile de trouver des gens aussi, puisqu'il y a plus de gens. Donc ici, on est dans un bled un peu paumé. tes voisins, comment ça se passe? Parce que si ça tombe, tu as des ondes Wi-Fi qui rentrent dans ta maison. Ah, mais ça, c'est sûr, parce que je suis la seule à ne pas être connectée. Donc oui, ça, je suis soumise au niveau de la santé, qui n'est pas... je n'ai pas exploré ce truc-là, je ne suis pas électrosensible. Enfin, je ne crois pas. Je n'en suis pas sûre. Voilà, donc je n'ai pas exploré cette chose-là. C'est plutôt le niveau contact social et ce à quoi ça nous mène et lien avec... oui, la société capitaliste, la société de consommation. Pour moi, c'est que ça, finalement. Et alors, je sais qu'il y a plein de bonnes raisons, enfin, bonnes entre guillemets, pour être connecté. Les gens disent, moi, je peux pas faire mon boulot sans ça, etc. Et il y a des tas de pressions, en effet, au boulot. Bon, je crois que des personnes se font virer s'ils veulent pas avoir recours à la machine. Moi, j'ai la particularité de ne plus travailler. Voilà, je ne suis pas encore out sur le marché du travail, mais voilà, je ne travaille plus. Donc, il y a ce côté-là qui... C'est plus facile pour moi. Mais on doit résister à l'e-administration. Je résiste à tout. Mais comment tu fais là, j'ai du mal à croire ça. Comment tu fais pour résister à cette machine sans internet, ordinateur, à l'administration? Je me déplace. Je téléphone et je me déplace. Et je fais valoir mon droit de citoyenne à être informée. Comme tout citoyen, sans devoir avoir justement un abonnement, un modem, etc. Faire toutes ces dépenses. Une adresse mail, etc. T'en as pas, toi? J'ai ni adresse mail, ni GSM. Alors, ça étonne toujours. Maintenant, il y a un autre... Donc, à l'administration, c'est encore admis. Voilà. Ah bah, tu m'apprends quelque chose, parce que dans certains endroits, c'est si tu ne t'inscris pas sur Internet avec une adresse mail, ça te pose souci, par exemple, pour avoir tes droits, avoir tes allocations, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Moi, j'ai pas subi ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de se défendre. En tout cas, vis-à-vis de la téléphonie, je vais dire les mots anciens, Belgacom, et la société d'électricité, etc., ils m'envoient tout le temps des demandes pour que je fasse tout par Internet. Et quand ils m'embêtent trop, ou qu'ils sont en retard, ou qu'ils ne m'envoient pas le courrier dans des délais, je leur écris une petite lettre où je dis que je réclame mon droit de citoyenne et de consommatrice à recevoir les informations et les factures. Par ta boîte aux lettres, ta vraie boîte aux lettres, comme avant, quoi. Par courrier. Et jusqu'à présent, je le reçois. Je sais qu'en France, apparemment, c'est plus difficile. Parce que maintenant, par exemple, en France, depuis le début de cette année, je crois que c'est Orange, ça s'appelle maintenant en France, n'installe plus de ligne fixe. On est obligé d'avoir une boîte où il y a tout. C'est il faut prendre Internet en même temps. C'est un paquet cadeau. Voilà. Bon, jusqu'ici, alors voilà. Moi, s'il y a des gens qui veulent résister contre toutes ces obligations, moi, ça m'intéresserait de prendre contact avec elles pour réfléchir. Parce que, voilà, c'est une galère de le faire tout seul. Mais réfléchir à quoi, par exemple, Anne? Réfléchir au mode d'action pour endiguer la machine. Bon, on peut être utopiste. Hein. C'est beau, c'est possible. En plus, c'est très facile. Hein. Tu suis une formation comme Gig, mais bon, là encore. Et bien justement, par d'autres voies, de résister. Parce qu'évidemment, si on est 10 000, disons, on a plus de poids que si on est tout seul. Donc, je galère, là, je galère avec la médecine maintenant. Parce que la majorité des médecins, n'ont même plus de téléphone, même plus de téléphone portable. Il faut les contacter par mail pour avoir une information ou un rendez-vous. Alors, je résiste, la médecin chez Kay. Je vais soupirer beaucoup. Et donc, j'ai du mal à communiquer avec elle. Et parfois, bah, quand on est malade, c'est parfois inquiétant d'attendre plusieurs jours. Donc, là, voilà, là... La tentation est grande, mais jusque-là, j'ai encore résisté. Mais je pense que ce serait intéressant quand je parle de discussion aussi avec les gens qui voient ça simplement comme une facilité et qui ne voient pas ce qu'il y a derrière. Parce que, par exemple, le médecin m'impose de faire quelque chose contre moi-même. Et, par exemple, pour qu'on comprenne bien Si elle m'imposait, si elle disait, ben voilà, c'est fini, on ne peut plus du tout me contacter par téléphone, ni par écrit, par courrier postal. Le docteur, quoi, on ne peut plus le contacter, c'est voilà, ça. S'il ne te propose pas, si elle me proposait ça, je trouverais ça épouvantable et je lui expliquerais que ça va à l'encontre de mes convictions, peut-être de ma santé, que ça a un coût. Ça, c'est quelque chose que les gens peuvent quand même entendre. Ça a un coût. Et un médecin peut encore entendre qu'un malade, surtout s'il est bénéficiaire de l'intervention majorée, a un budget. Alors j'en ai un et il est très limité. Donc j'évite cette chose pour me consacrer à autre chose. Voilà. Quoi par exemple ? Eh bien, à bien manger. Voilà, donc je n'achète pas de la merde au supermarché, d'ailleurs je ne vais pas au supermarché. Je vais directement chez le producteur, je mange des produits bio et je ne suis pas bobo pour autant. Pour moi, c'est un, je ne vais pas dire un sacrifice, parce que ça n'est pas un sacrifice, mais en effet, ça me coûte cher de bien me nourrir, voilà, et de me soigner, pas toujours de la manière orthodoxe. Donc voilà, les sous que je mettrais à surfer sur le net parce que je serais censée m'ennuyer, je les mets à autre chose. Et deux choses, parce que j'ai perdu un peu le lien avec le toubib, t'expliquais, tu disais, c'était peut-être un point d'interrogation quand tu disais, je me demande qu'est-ce que le médecin fera s'il m'oblige. Est-ce qu'il pourrait m'obliger ? Quelle serait sa réaction si je lui disais, mais là, si vous m'obligez à faire ça, vous m'obligez à des dépenses, vous m'obligez à aller contre ma conviction, est-ce que vous refusez de me soigner, du coup ? Et là, je prends l'exemple du médecin parce qu'il est très probant, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, dans leur boulot, utilisent l'ordinateur, Internet et ont une adresse par facilité, parce que ça va plus vite, parce qu'ils peuvent répondre la nuit dans leur lit, par exemple, et des choses comme ça. Et je pense que là où il y aurait discussion, c'est voir quel est l'avantage et quel est le coût. C'est pas un outil convivial pour moi. Et là, j'en viens aux références qui jonchent la table, notamment à Ivan Illich, hein, qui a écrit La convivialité. Et la convivialité, c'est pas juste faire une fête des voisins et chacun apporter son plat. C'est plus large que ça. Lui, il parle d'outils conviviaux. Et pour lui, un outil convivial, c'est un outil qu'on est capable de réparer soi-même, qu'on maîtrise complètement. Donc un marteau, c'est assez convivial. Surtout si on le tape sur quelqu'un. Hein, voilà, c'est ça. Et s'il se détache, on peut toujours le remmancher. Même moi. Donc, oui, voilà, pour moi, c'est pas du tout un outil convivial parce qu'on est complètement sous la coupe des grands, de ce qu'il est convenu d'appeler les GAFA, etc., mais aussi des spécialistes. Hein, voilà. Et il faut presque être un spécialiste soi-même pour utiliser cet outil, mais je crois que la majorité des gens ne le sont pas et sont contents de taper sur 2-3 boutons et d'avoir tout de suite ce qu'ils veulent, et s'ils ne l'ont pas, c'est horrible, etc. On est tributaire de l'électricité. Mais ça, c'est quand même énorme aussi de se rendre compte de ça. Hein. Voilà. Tout marche avec l'électricité. C'est quand même fou, ça. Et l'électricité, c'est quoi? C'est le nucléaire, pour le moment. Alors, ça me fait beaucoup rire, les gens qui... soutiennent ces jeunes qui marchent pour le climat, ce qui me fait beaucoup rire aussi. Le climat, il s'en fout. Hein. Mais voilà, il y a une sorte de raccourci de la pensée aussi et de la parole. Et je pense que les communications par mail ne sont pas étrangères à ça. Mais bon, j'en reviens, voilà. Tout. J'ai pas suivi. Excuse-moi, des fois, je comprends pas. Je me dis alors que l'auditeur non plus, mais. Bon, des fois, je pas... C'est sûr. Voilà, je faisais une sorte de parenthèse, mais ça ne se voyait pas. Donc, on était parti du fait que tout était tributaire de l'électricité. Je dénonçais le fait que ce soit lié au nucléaire. Le nucléaire, pour le climat, je ne crois pas que ce soit vraiment terrible. Enfin, pour notre vie future sur la Terre. Et puis moi, bon... Avec de la chance, il me reste 25 ans à vivre. Bon, il y en a, voilà, moi j'ai un enfant, des petits-enfants, etc. Donc, ils vont s'amuser beaucoup moins. Et je trouve qu'il y a une antinomie entre le fait de marcher pour le climat et d'organiser tout grâce aux réseaux sociaux et à cette technologie qui elle-même détruit ce qu'on essaye de protéger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et dénoncer parce que sous le couvert de ah ben oui, c'est complètement dématérialisé, c'est faux quoi. On nous a vendu, faites ça plutôt qu'imprimer sur du papier parce que les pauvres arbres, les pauvres arbres, ce sera comme tout le reste quand le coût de cette machinerie est terrible. Il utilise des métaux rares, les métaux rares viennent de pays en guerre. Peut-être d'autres planètes. Enfin, ça, c'est toute une technologie, finalement, en plus liée aux militaires, etc. Donc, je crois que pour être honnête, si on dit aux enfants qu'ils doivent utiliser des tablettes à l'école plutôt qu'une craie et un tableau, il faut aussi leur dire comment c'est fabriqué et quel est le coût réel, ce qu'on appelle le coût gris, tout ce qu'on ne voit pas. Alors Anne, moi je te suis parfaitement, hein, mais tu proposes quoi? Oh! Parce que t'as une analyse et une critique, moi je te suis, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais est-ce que, alors, quoi? C'est pour rire, je dis ça, on revient à la bougie? Mais non, pas la bougie. Mais est-ce que tu as déjà pu développer ça ou tu n'en es pas encore à ce stade-là de dire, ben oui, en fait, je pense que ce monde ne va pas très bien. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu as déjà eu tu as déjà fait de la recherche, des lectures par rapport à ça? Est-ce que tu sais, à l'intérieur de toi, de ton être, ce qui va, ce qui ne va pas Oui, je suis pas aussi présomptueuse de parler de moi et de mon être. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, faut pas forcément avoir lu. C'est qu'il y a, enfin ouais, j'ai pas, non, faut pas forcément avoir lu ou aller sur Internet ou vu à la télévision, tu vois. Mais on sent à l'intérieur qu'il y a quelque chose de juste. C'est plutôt ça que je voulais dire. Oui, voilà, je sens à l'intérieur, comme tu dis, qu'il y a quelque chose de juste. Et donc, je passe mon temps à démonter les trucs. Donc, il y a des gens qui m'évitent, hein, très clairement. Ah ouais? Oui, il y a des gens... Comme qui, quoi? Eh bien, n'importe qui, des copains, des amis qui trouvent que je suis trop sérieuse, que je mets trop les trucs en cause, que... on ne peut plus rigoler. Une chiante, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, il y a des gens que ça fait réfléchir et qui continuent à me voir. Et puis, oui, j'ai fait plein de lectures. Je lis La Décroissance, je lis Kairos. J'ai fait partie du mouvement des objecteurs de croissance en Belgique. développe une réflexion là-dessus. Il y a Serge Latouche qui est une référence. Moi, sur les objecteurs de croissance, ce que je peux dire maintenant, c'est pas du tout une généralité, mais ils sont aussi des fois un peu chiants, ceux-là, parce qu'ils se disent « ouais, j'ai pris mon vélo ». Enfin, tu vois, comme si c'était aussi un parcours pour celui qui consomme le moins, alors qu'au fond, ils sont fatigants, quoi. Oui, c'est exagéré, voilà. Moi, ce que je peux juste donner comme un petit avis. Pourtant, ta pensée, elle me parle, quoi, enfin... Oui, oui, je comprends. On voit ça comme un truc punitif et comme une sorte de concours à qui consommera le moins. Évidemment, je trouve ça parfaitement ridicule, stupide. Et pendant qu'on passe son temps à faire ce concours-là, on ne réfléchit pas globalement et on ne se met pas ensemble. Voilà, ça me semble inintéressant. Et ça, c'est pour moi, c'est déjà la récupération par le système. Justement, on parle d'économie circulaire, de quoi, croissance verte, etc. Développement durable. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je ne veux pas retenir. En fait, développement durable, c'est ça vient des années 70, où il y a eu justement quand même quelques... je crois que c'est l'ONU qui a demandé à des experts, dont Ivan Illich, mais pas que lui, plein d'autres gens, des économistes, etc., de réfléchir un peu sur où va le monde, comme il va. Et parce qu'il y avait la première crise du pétrole, etc. Moi, je suis une enfant de la première crise du pétrole. 73 ? Ouais. Enfin, enfant, c'est-à-dire que moi, j'étais déjà adolescente, là, voilà. Et que je commençais déjà à chercher du boulot. Et donc, il y a des spécialistes qui se sont... Qui se sont réunis et qui ont donné deux voies. Ils ont dit, soit on économise l'énergie, soit on fait du développement durable. Et qu'est-ce qui a été retenu ? C'est pas l'économie d'énergie. Voilà. Mais moi, je pense pas que c'est chiant d'économiser. Ça peut être un jeu avec soi-même, pas un concours avec les autres. Et je ne me sens pas du tout donneuse de leçons, en fait. Est-ce qu'on peut s'interrompre ? Oui. Tout à fait. Pour la technologie. Si c'est le médecin, tu vois. Si c'est le médecin, je te demanderai même d'aller faire un tour. D'accord. Allô ? On était au tout électrique et donc au tout nucléaire. Développement durable. Et en fait, moi, ma question, c'était de dire, qu'est-ce que tu proposes alors ? Voilà, merci. Qu'est-ce que je propose ? Eh bien, moi, je n'ai pas une solution que je sors de ma poche. Moi, je trouve qu'il faut arrêter tout ça. Alors, je sais bien, il y a toujours la transition. Quand on arrête quelque chose, ça veut dire plein de gens au chômage, etc. Mais au moins, qu'on fasse pression pour qu'on arrête de développer des solutions technologiques à tous les problèmes que la technologie engendre. Donc, chaque fois qu'il y a une problématique, hop, on invente une nouvelle solution qui elle-même va poser un problème, etc. On n'en sort plus. Moi, je trouve que la machine est folle et qu'il faudrait l'arrêter. Mais on ne peut pas l'arrêter tout seul. Moi, je ne suis pas persuadée que les gens qui défilent dans la rue ont vraiment un poids, malheureusement. Surtout s'ils communiquent par Internet. Je trouve qu'il faudrait plein de petits... Ouais, mais c'est déjà pas mal qu'ils sont dans la rue, ça. Ah oui, oui. Ça, on peut pas... Oui, non, mais je ne les critique pas. Je dis que je n'y crois pas. Que je ne crois pas. Donc, j'ai été aussi marcher dans la rue, etc. Et je me dis, est-ce que je ne me donne pas simplement bonne conscience ou est-ce que je n'y vais pas à défaut d'autre chose ? Parce que quand on voit ce que les politiciens qui reçoivent les représentants de tous les manifestants font des propositions, ils n'en font rien du tout. Voilà, donc il faudrait peut-être des groupes de réflexion qui décortiquent plus les choses. Mais alors maintenant, le lien avec le monde politique, je n'en sais rien. Mais la même sociologue historienne dont je parlais tout à l'heure, qui disait que la technologie allait un peu se casser la gueule, disait qu'on était dans un état pré-insurrectionnel. Voilà, ce que je ne désire absolument pas. Donc, non ? Non. Ah bon, attends, alors il faut que tu m'expliques, parce que les changements se sont toujours faits dans l'insurrection, comme tu dis. Oui, moi c'est le côté violent qui m'effraie. Pour être aussi clair que ça. Mais tu ne trouves pas qu'on vit dans un monde violent ? Bien sûr, au final. Beaucoup plus feutré, caché, civilisé, tu vois. Oui, mais je suis d'accord avec toi. En fait, oui, on vit dans un monde violent. Et peut-être... Non, pas peut-être, on vit dans un monde violent. Mais disons que la violence physique, sans doute, m'effraie aussi. Pas plus, pas moins, mais ce serait remplacer une violence par une autre. Donc, je n'ai pas de solution toute prête. Je suis prête, par contre, à rencontrer plein de gens pour discuter de ce qu'on... de quel point on peut avoir en groupe. Parce que voilà, moi, j'ai quelques copines avec qui on résiste, si tu veux, mais elles ne pouvaient pas être ici aujourd'hui. Donc, parfois, nous nous encourageons l'une l'autre. Parfois, nous nous décourageons ensemble. Et souvent, nous nous moquons de nous-mêmes. Parce que, aussi, quel poids avons-nous tout seul à faire, à dire non. Bon, alors, il y a des gens qui disent, un non peut quand même faire réfléchir la personne de l'administration qui est en face. Et puis, dans l'histoire des révolutions, des changements de société, des fois, ce n'était pas des masses, hein, c'était un groupe de gens qui ont réussi à influencer, à changer la donne. Hein. Mais au moins un groupe, parce que si on dit dispersé, c'est beaucoup moins... c'est un mot que je n'aime pas, mais tant pis, on est aussi contaminé par les mots efficaces. Mais je crois qu'au mot au départ, il ne devait pas être si terrible que ça, mais il a été tellement... il a été tellement... pris par tous ceux qu'on n'aime pas. Que, voilà, j'ai du mal, mais j'en trouve pas là. Donc, je n'ai pas de solution à proposer. De solution, peut-être pas, mais d'une analyse. Par exemple, moi, pour faire ricocher avec ce que tu viens de dire, pour peut-être que tu rebondisses aussi, c'est est-ce que le problème du problème du problème, tu vois le truc, c'est pas l'industrialisation, le capitalisme, le profit pour le profit pour le profit, des gens qui s'accaparent le travail par le travail des gens, les richesses qui s'en mettent plein les poches et qu'il faut cesser ça. Et donc cesser ça, ça veut dire rentrer en conflit, ça peut pas... moi je n'imagine pas comment changer la donne en faisant un capitalisme vert, soyons plus... Enfin pour moi c'est complètement absurde quoi, de tout ça c'est... C'est de la récupération, encore une fois, et j'ai l'impression qu'on est obligé d'aller vers... évidemment que je ne le souhaite pas, que la violence fait peur et compagnie, évidemment, très fort. Mais j'ai l'impression que ça peut pas... on peut pas y échapper à ça. Je veux dire, il y a des guerres géopolitiques dans le monde à cause de ces enjeux-là. Mm-hmm. Voilà. Comment ça résonne en toi, ce que je viens de dire? Eh bien, ça résonne très fort, vous n'entendez pas, boing, boing, boing. Si, bien sûr que le fond du fond, c'est le capitalisme qui réussit à tout coloniser, à tout récupérer, etc. Et comme je le disais au début, pour moi, Internet, c'est que le gadget ultime du moment, du capitalisme. Bon, moi, je veux dire, je suis convaincue, et alors j'essaie de ne pas dire que je crois, mais il paraît que c'est la même origine, donc l'un pour l'autre, tant pis. Mais je suis convaincue aussi qu'il y a un rôle de la rencontre, de l'éducation, etc. Moi, j'ai fait la plus grande partie de ma vie professionnelle s'est passée dans l'alphabétisation. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de démonter les choses avec des gens parce que... Quand tu dis démonter, ça veut dire analyser, critiquer. Démonter le système, voilà, voir qu'est-ce qu'il y a derrière le smartphone, que ce soit avec des enfants, avec des adultes. Alors tout le monde n'a pas un accès identique au savoir, donc c'est intéressant qu'il y ait des catalyseurs parce que... J'aime pas les spécialistes, mais disons des catalyseurs qui... il faut bien à un moment donner les outils aux gens. Il y a des gens qui sont allés à l'UNIF, il y a des gens qui ne sont pas allés. Ben, ceux qui ne sont pas allés à l'UNIF, ils ont moins d'outils pour analyser les choses, c'est sûr. Donc à un moment... Pas forcément, hein. Ceci dit, ça dépend. Hein. Il faut un peu nuancer ça, parce que les gens de l'UNIF, c'est aussi la boîte dans laquelle ils passent pour qu'ils pensent comme tout le monde. Moi, c'est ça qui me fait c'est pas le mot peur, mais je trouve que ça fait un peu des frissons dans le dos, cette espèce de pensée uniforme, quoi. Comme s'il n'y avait plus, tu sais, c'est genre le management, et on n'imaginerait même plus autre chose, quoi. Ça fait peur. Ces gens qui passent à l'université, comme tu dis, qu'on fait oublier qu'il y a eu des combats menés sociaux, etc. Enfin, tu vois, c'est... Tandis que, par exemple, la personne qui n'est pas passée à l'UNIF, qui a dû un peu plus se débrouiller, rencontrer les gens, je trouve que des fois, c'est plus riche et plus intéressant. Oui. Je suis d'accord avec toi, je révise ma position un peu caricaturale. Oui, mais c'est sûr, c'est ça qui est intéressant dans la discussion. Oui, oui. C'est sûr que l'UNIF, à la fois, c'est l'endroit, enfin, je dis l'UNIF, mais n'importe quelle école supérieure, c'est l'endroit où on a beaucoup de... oui. Non, où on a beaucoup d'outils, mais aussi où on est hyper formaté. Et en effet, c'est sûr que tout le monde n'utilise pas les outils de manière critique. Et il me semble que ça va... Enfin, c'est de pire en pire, me semble-t-il. Qu'est-ce qui est de pire en pire ? Le formatage à l'université. Je sais pas, ça, il faudrait... peut-être ça a toujours été que ça. Oui, ça a été... Le formatage. Oui, la reproduction, sans doute. Mais... Anne, il reste 10 minutes. Ça va vite, le temps. Hein. Mais dis-moi, tu voulais parler d'écran total ? Et aussi, j'avais une question, d'où ça te vient, cette rébellion, cette critique, comment ça te... Parce qu'on parle justement des gens qui ont été formatés, c'est quoi toi ton petit chemin par rapport à ça? Si t'as envie de le raconter, t'es pas obligée. Hein. Mais je pense que c'est des hasards de rencontre, parce que c'est pas vraiment... je ne viens pas d'un milieu social où on était très politisé. Mais j'ai quand même eu une éducation assez libre et critique. Je pouvais répondre aux adultes, dire aux adultes que je n'étais pas d'accord, etc. J'ai été éduquée comme ça. Puis je fais des rencontres dans mon adolescence, pas spécialement dans les études. Moi, j'ai un diplôme de régente littéraire, ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Mais ce n'était pas très intéressant, c'est plutôt les rencontres alentour. Je sais pas, qui m'ont... Mais quoi, t'étais intéressée par... parce qu'il faut aussi aller vers ça. T'étais intéressée par le... J'imagine que tu te posais des questions sur le sens de la vie, le monde dans lequel t'étais. T'avais pas envie de gober les choses qu'on te racontait. Parce que c'est aussi, facile de croire ce qu'on vous raconte. Hein. Vous remettez rien... C'est facile, vous voyez. Enfin, tu vois. critiquer, remettre en question, se poser des questions... ça demande peut-être un peu plus d'effort. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et moi, je n'avais pas l'impression. Je trouvais que c'était ennuyeux et je ne sais pas, je sentais toujours un danger à juste reproduire ce qu'on me disait. J'étais sans doute attirée plus vers les marges quand j'étais adolescente, les gens qui mettaient un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Mais pourquoi ? Et ben, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est une question... Oui, j'ai l'impression que c'est une question de personnalité, bêtement. C'est un peu court, mais je ne vois pas d'autres réponses. Et voilà, moi, j'ai travaillé pour une association d'alphabétisation très militante pendant un moment. Voilà, parce que ma formation me menait vers l'enseignement... dans une école où j'y ai passé quelques temps, mais je ne me sentais pas bien. Je trouvais qu'il n'y avait pas la dimension changement social qui me plaisait. On est pieds et poings liés. Je ne voyais pas très bien comment faire et je n'ai pas trouvé d'appui chez les collègues. Au contraire, c'était horrible. La salle de classe pour moi, pas la salle de classe, mais la salle des profs. On a même fait une pièce de théâtre là-dessus qui a eu un certain succès. Pour moi, c'est un lieu... de pauvreté intellectuelle et de on se tire dans les pattes. Alors c'est pas comme ça dans toutes les écoles. Voilà, ça dépend très très fort des écoles, mais bref, j'ai fui. J'ai travaillé dans une association où il y avait justement de la réflexion politique. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses, etc. Et je l'ai quitté parce que la ligne a dévié et que je ne me sentais plus bien du tout dedans. Où finalement, on formait des gens pour des sous-emplois. On était des sortes d'antichambres du forêt, mais moi, je n'ai jamais vu mon boulot comme ça. Voilà. Mais Anne, j'ai l'impression que tu es super cohérente avec toi-même, et limite que tu n'as pas le choix. Ça te ferait même un petit handicap. Ah, oui, ben moi, je ne te vois pas comme un handicap, mais c'est vrai que je serais très mal avec moi-même si je n'étais pas cohérente. Et ça m'agace, justement, dans plein de réunions. Je suis l'emmerdeuse parce que j'essaye de trouver la cohérence et de dire, oui, mais notre but, c'est ça, mais notre moyen est tout à fait contraire au but. Et alors, les gens disent, ah oui, mais t'es fatigante, quoi. Voilà, et alors ça me désole et je finis soit par m'éjecter moi-même, soit on me fuit. Oui, c'est pas toujours une position confortable, mais peut-être que j'aime les conforts, j'en sais rien. Puis, non, tu dois le savoir, ça. Tu dois le savoir maintenant à ton âge, oui, savoir si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. T'aimes pas ça, j'imagine. L'inconfort. Mais ce que les autres appellent inconfort n'est pas forcément un inconfort pour moi. L'inconfort, ce ne serait pas d'être cohérente avec moi-même. Oui, mais l'inconfort d'être rejetée, de critiquer, t'es l'emmerdeuse, quoi. Ça va, c'est pas trop difficile à supporter, ça Parfois, mais en même temps, oui, je vais voir ailleurs. Et j'essaye de prendre les choses par un autre biais. Parce que c'est vrai que très longtemps, j'étais très frontale. Voilà. Cash, brut. Alors, j'essaye de me retenir pour ne pas choquer, parce que les gens sont juste choqués et vexés. Alors que le but n'est pas du tout ça. C'est le système que j'essaye de démonter. Je ne dis pas à la personne, « Oh, tu fais ça, c'est dégueulasse. » Non. Mais la personne entend souvent ça. Et quand on parle de décroissance et de choses comme ça, la majorité des gens répondent culpabilisation. Et pour moi, non. C'est pas ça. C'est essayons d'être intelligents ensemble et de résister ensemble et de ne pas nous faire piéger. Et si moi, j'ai vu un truc piégeant que tu n'as pas vu, il me semble que c'est sympa de te le dire. Et si toi, tu vois un truc piégeant que je n'ai pas vu, ce serait très sympa que tu m'éclaires aussi. Voilà. C'est génial comme... en plus, t'as quel âge, toi, Anne ? 63. C'est génial d'avoir comme ça... en plus, t'es une belle personne en face de moi. Non, mais vraiment... Je suis touchée parce que c'est beau de voir ça, des gens qui sont plutôt jeunes, qui continuent à avoir la flamme. Hein ? Voilà. Dans ma famille, je suis l'emmerdeuse, peut-être surtout dans ma famille. Voilà. J'ai une fille qui travaille dans un truc bio, etc. Donc on peut dire, digne fille de sa mère, mais elle est moins radicale que moi. Voilà, moi je suis radicale et je me sens bien avec les gens radicaux. Donc elle est beaucoup moins radicale que moi et nous avons des amis communs à qui elle dit, est-ce que tu ne trouves pas que ma mère se radicalise ? Mais elle le dit dans un... Mais bon, avec de l'humour aussi. Voilà. Donc on se parle, il n'y a pas de problème. Mais elle est plus dans les arrangements que moi. Donc, à la limite, moi, les gens que je fréquente, ils sont très radicaux. Soit ils ont mon âge, soit ils ont 20 ans. Et entre les deux, ils s'arrangent avec la vie, ce que je peux comprendre. Il faut élever ses enfants, essayer d'avoir une maison et trouver un boulot. Voilà, mais à quel prix ? Oui. On doit terminer, mais oui. Écran Total, en un mot, qu'est-ce que c'est ? Écran Total, en fait, c'est une association française. Nous critiquons l'emprise grandissante des logiques gestionnaires, qu'elles se présentent comme innovation technique, organisation scientifique du travail ou management. Ces formes de pouvoir attaquent notre dignité et nous opposent les uns aux autres. Ils sont basés dans le sud-ouest de la France et je ne veux pas. Bah, de toute façon, les gens entendront Écran Total, allez checker, les amis. C'est un collectif, c'est une plateforme sur la, qui se penche sur la déshumanisation du travail. Voilà, notamment. Okay. Voilà. Merci Anne, t'as tout dit? Ou t'as encore envie un petit, une dernière phrase poétique, politique, économique, philosophique? Non, fini. La dernière phrase. Oui, la dernière phrase, c'est aller bouquiner, aller rencontrer des gens, c'est tout. Ok, merci.